Le comité préparatoire indien pour le 105e anniversaire de naissance de Son Excellence le Président Kim Il-sung est constitué le 17 courant à New Delhi. Le comité préparatoire a fixé l'espace du 17 mars au 15 avril comme période de célébration et a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles pour exalter le président Kim Il-sung qui a accompli de grands exploits pour la libération de la patrie, l'édification du socialisme, la réunification indépendante et pacifique du pays et l'accomplissement de la cause d'émancipation de l'humanité.